passe à la chronique Technologie de l'information avec Raymond Poirier. Salut Raymond. Salut. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Ce matin, Raymond, on fait une petite incursion dans les musées et peut-être l'arrivée du numérique dans les musées. Exactement. C'est dans le cadre d'une série de conférences qu'on présente à l'Institut Technologie de l'Information et Société, les rencontres du numérique, donc à la bibliothèque Gabriel Roy. Et jeudi 17 mai à 19h, eh bien, c'est une conférence intitulée « Du réel au virtuel, regard sur les musées de demain ». Alors, comme tu le disais, de quelle manière le musée va-t-il évoluer au contact du numérique? Et pour en discuter ce matin, pour mettre la table en route vers cette rencontre, eh bien, on est en compagnie du conférencier qui est professeur au département d'histoire ici à l'Université Laval, qui est directeur du laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture, le LAMIC. Philippe Dubé, bonjour. Bonjour. Et d'emblée, quand on parle de la sphère culturelle, on voit que le numérique prend de plus en plus de place, fait de plus en plus figure d'incontournable dans les arts, dans la littérature en général. Est-ce que c'est la même chose pour les musées? Je veux dire, est-ce qu'ils cherchent eux aussi une voie à l'intérieur de ces nouveaux modes de diffusion, de ces nouvelles technologies? Je dirais que ça fait très longtemps si y a une institution culturelle qui a pris, à bras-le-corps les technologies numériques. C'est bien le musée qui l'a fait là, déjà il y a 25 ans, quoi, dans le sens qu'il est très actif dans le domaine, donc, de l'utilisation des technologies au sens large, ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. Ceci dit, ce que ça veut dire concrètement, en fait, c'est que le musée tente, à travers ces technologies, de rendre l'expérience de visite la plus signifiante possible. Et ça, je pense que les musées ont fait la preuve de cet intérêt, de ce désir, de cette volonté de, finalement, non seulement d'augmenter sa fréquentation, mais de faire que la visite au musée soit de plus en plus captivante, intéressante, stimulante, enfin, tout ce qu'on veut. Et j'ai presque envie d'ajouter « interactive » aussi à la liste des qualificatifs que vous avez mentionnés. Je pense que c'est un mot-clé en interaction, au sens où si tout cet effort est fait pour faire que la visite soit intéressante, c'est qu'en fait, le musée tente justement d'établir un dialogue avec son visiteur. Et on sait aujourd'hui, je veux dire, que de plus en plus, le visiteur est moins réceptif à un discours, disons, de type monologique, hein, et qu'on est beaucoup plus dans quelque chose qui favorise le dialogue, donc dialogique, faire que le visiteur puisse mettre un peu sa part dans la visite et éventuellement même de pouvoir entrer en interaction avec le musée lui-même. L'intégration d'outils numériques dans les musées pourrait être à la fois un bénéfice, mais est-ce que ça pourrait représenter aussi un danger, peut-être? Ben, en fait, bon, c'est comme avec tout, hein, au fond, je veux dire, on avance d'un pas et puis on recule de l'autre. Est-ce que c'est le cas des technologies numériques dans le musée? Oui, certainement, parce que ça semble être une règle. Mais ceci dit, oui, il peut y avoir des dérives ou même je dirais que certains professionnels de musée s'inquiètent de la chose dans le sens que souvent ce qu'on entend c'est entre autres pour ce qui est de la virtualisation des objets, donc la captation numérique 3D fait que tout à coup on n'est plus en présence de l'objet réel et voilà donc une perte aux yeux de certains et qui peut éventuellement donc menacer la qualité de ce que le musée fait depuis toujours. Et au fond, c'est de présenter les objets dans leur authenticité. Là, tout à coup, on leur présente des clones, ou on a la possibilité aujourd'hui de présenter des clones d'objets, et ça peut effectivement amener le musée vers certaines dérives, mais en fait, il n'y a pas de progrès sans dérive, il n'y a pas d'avancement sans danger. Et donc, de ce point de vue-là, moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Et en fait, le défi, au bout du compte, c'est un peu de tendre à l'équilibre, d'essayer de s'assurer que l'outil technologique, que l'approche technologique qu'on préconise pour favoriser l'interactivité qu'on mentionnait, prenne pas le dessus sur le sujet, l'objet, l'élément qu'on souhaite présenter, qu'on souhaite développer, qu'on souhaite, dans le fond, offrir aux visiteurs. C'est un fait, je veux dire, dans le sens que on peut pas, évidemment, c'est pas souhaitable, mais en même temps, je vous dirais que pendant très longtemps, je veux dire, le musée, dans son rapport aux visiteurs, dominait complètement le visiteur, dans le sens que il était le seul détenteur de l'information et s'affirmait, disons, vis-à-vis du visiteur comme tel. Et de manière très autoritaire. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, on est dans un autre rapport et justement, la technologie permet d'établir, disons, une relation beaucoup plus plus équitable, plus horizontale et plus libre aussi. Et le visiteur peut bien prendre ce qu'il veut et en ressortir aussi avec ce qu'il veut. Donc, moi, j'y vois pas vraiment de réels problèmes. Et côté expérience aussi, on parle évidemment de la virtualisation des musées, de lieux, donc l'utilisation des technologies pour présenter autrement, dans le fond, et préserver autrement les choses. On en a glissé un mot avec les objets, mais au LAMIC, vous avez été plus loin que le simple objet. Vous avez fait la modélisation 3D d'un lieu, la chapelle des Ursulines. Pouvez-vous nous parler, Philippe Dubé, un peu de ce projet d'envergure? Ben en fait, oui, avec plaisir. Nous, il y a déjà maintenant 2 ans, on a donc capturé numériquement l'intérieur de la chapelle des Ursulines et tout particulièrement donc le lieu où les Ursulines, encore aujourd'hui, dans leur monastère, prient quotidiennement. Et l'idée de la capture numérique du lieu était une idée un peu folle, de tenter de saisir en même temps l'esprit du lieu. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une simple capture de l'intérieur architectural de la chapelle, mais bel et bien de tenter d'en capter à quelque part l'esprit. Et éventuellement, donc, de ce modèle, en tirer, évidemment, quelque chose. Alors, donc, on s'est mis un défi qui est, en fait, inatteignable, hein, disons-le tout de suite. On le savait avant même de le faire. Mais, autrement dit, de capter cette l'immatérialité du matériel, je veux dire, c'est comme difficile à faire, évidemment, vous le comprendrez. Mais, ce qui nous intéressait, nous, derrière tout ça, c'est d'atteindre, disons, un niveau tel de qualité de capture qu'on puisse, jusqu'à un certain point, s'y croire. Alors, si on n'est pas rendu là encore, il ne faudrait pas non plus annoncer des choses qu'on n'a pas faites, mais on est en voie de le faire. L'autre chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans cette expérience-là, et c'est autour de ça que tourne notre projet, c'est de pouvoir entrer en dialogue avec le réel. Autrement dit, que le modèle numérique puisse éventuellement être mis en relation avec le réel. Autrement dit, un visiteur qui est dans la chapelle réelle puisse faire sa propre visite et entrer en contact sur place avec le modèle numérique qui, lui, est plus facilement interrogeable, vous le comprendrez, parce que on peut évidemment autour d'un modèle numérique, y ajouter des couches sémantiques, donc d'être capable de pouvoir interroger des éléments comme des peintures, comme des éléments d'architecture de la chapelle, et que par un simple clic, on est en mesure donc d'avoir de la documentation. Alors c'est l'idée, c'est ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle, éventuellement aussi de pouvoir travailler sur la question de la co-visite, comment un visiteur dans le réel peut éventuellement faire une visite avec quelqu'un qui est dans le modèle numérique et qu'ils puissent comme ça tous les deux collaborer et finalement tirer avantage d'une visite dans le réel versus d'une visite dans le virtuel. Donc vraiment, en fait, c'est des perspectives évolutives qui montrent aussi de quelle manière même les modélisations, les numérisations de musées qui existent. On pense peut-être immédiatement au Google Art Project avec ces quelques 150 musées qui sont simplement captés en images à la Google Street View. Ben, que ça représente dans le fond un potentiel fou si on cherche à les développer autrement, si on cherche à les amener vers d'autres voies. Oui, c'est certain. Et puis, c'est des expériences qui sont évidemment très, très riches pour l'avancement des connaissances en général. Moi, je vous dirais que la perspective que nous, on garde au LAMIC, c'est l'idée de pouvoir dépasser un peu les frontières du musée lui-même, ou enfin du lieu patrimonial lui-même. L'expérience de la chapelle, justement, va dans ce sens-là. Mmh. Autrement dit, c'est de le musée ne retient que quelques éléments de d'une fouille archéologique, d'une campagne de collecte d'objets, enfin. Donc, n'a que l'infime partie de ce qu'il veut présenter. Et c'est là où les technologies peuvent être, je dirais, des orthèses intéressantes pour permettre aux visiteurs, justement, de pouvoir sortir du musée et d'aller jusqu'à un certain point in situ, d'être capable donc d'entrer en relation avec avec la réalité, quoi, que l'objet ou l'artefact représente dans le musée. Donc c'est toute cette idée donc d'un voyage intramuros, extramuros, d'être capable de pouvoir entrer en dialogue avec la réalité malgré le fait que souvent dans le musée on n'a que le fragment d'une réalité culturelle donnée. Et en terminant, Philippe Dubé, j'aimerais revenir sur un point que vous aviez dit autour de la modélisation 3D de la chapelle des Ursulines. On parlait de capter l'esprit du lieu et j'ai l'impression, vous me direz si j'ai tort ou raison, que ça devient un peu la clé justement pour faire évoluer ces modèles numériques-là. Donc l'idée de capturer l'expérience humaine de visite et de pas simplement capturer le lieu ou l'objet qu'on souhaite présenter. C'est tout à fait ça, dans le sens que et tout ça se joue à deux, dans le sens que il faut évidemment que le visiteur se prête aussi au jeu et soit, disons, disposé à vivre l'expérience. Et à partir de là, ben je veux dire, je pense qu'on peut atteindre ce type d'objectif, hein, de faire que on aille un peu plus loin que ce que la matérialité des choses nous présente, et qu'en fait cette matérialité n'est que le témoignage physique d'une autre réalité qui nous permet justement de pouvoir apprécier à sa juste valeur les éléments culturels qui nous sont donnés, disons, par les liens patrimoniaux qui nous lient au passé. Mais Philippe Dubé, donc directeur du laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture, le LAMIC, merci beaucoup. Ah ben, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, Jean-Manuel, en fait, ça met la table, c'est ces réflexions de M. Dubé autour du musée, autour de son évolution, vers la conférence de jeudi 17 mai, 19h, où les auditeurs, auditrices sont invités donc à venir écouter, à venir discuter, à venir échanger autour de ces thématiques-là avec M. Dubé. Et ça, je le rappelle, ce sera donc jeudi 17 mai, 19h, à la bibliothèque Gabriel-Roy, la salle Gérard-Martin. La conférence s'appelle « Du réel au virtuel, regard sur les musées de demain ». Et on peut avoir un peu plus d'informations sur la conférence sur le site de l'ITIS, itis.laval.ca, ou sur celui des bibliothèques de Québec, bibliothèquedequebec.qc.ca, c'est entrée libre. Très intéressant comme sujet parce que ça risque de changer complètement le visage des musées, l'expérience de la visite au musée, donc ça risque d'être vraiment intéressant. Et comme le disait M. Dubé, qui est en constant changement depuis déjà 25 ans, alors faut prendre le pouls de tout ça. Exactement. Merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir.